Bonjour, je voudrais savoir où est la rubrique d'Aimé Bonaparte, s'il vous plaît. Ah non, c'est pas là. Ici, c'est carrément beaucoup plus sérieux. C'est la météo. La chronique d'Aimé Bonaparte, c'est juste à droite, là-bas, à côté de la porte des chiottes. Ok, merci des renseignements. Salut. De rien.